milliards d'hommes peinent dans un monde d'or. Triste sont les vies, des milliards, le dollar cogne. 6 milliards sont la vie, sont les chaînes. Mais 6 milliards doivent se battre pour ses rêves. 6 milliards est né du sang de l'industrie. Révolution industrielle a su se jouer de l'énergie. Accélérer la croissance, surclasser l'économie. Bref, on connaît déjà leur cible est diabolique. Mais pas de panique, 6 milliards c'est 2 milliards sous la pauvreté. Quand la majorité se la tue jusqu'à gaspiller. Dernier sondage, la pauvreté s'est stabilisée. C'est normal puisque les pauvres finissent par crever. Mais dis-moi 6 milliards, dis-moi 6 milliards. Comment l'État peut-il contrer la force des 6 milliards? Poussés dans la tristesse, divisés en État, ils ont pigé qui serait noyé face à 6 milliards de larmes. Mais 6 milliards à pointer, agent de l'apocalypse. Une vie entière de vice à acclamer ceux qui nous tyrannisent. 6 milliards, l'État s'en fiche. L'important c'est de faire croire que l'un seul a moins de valeur que le milliard. Le budget mondial de l'armement, 1200 milliards. Le budget mondial publicitaire, 900 milliards. Le budget mondial des stupéfiants, 700 milliards. S'il y a une crise pour en guérir, ce sera 1000 milliards. Le ventre creux, nombreux sont ceux qui ont rejoint les cieux. Pour qu'il n'y ait plus de faim dans le monde, faut seulement 30 milliards. Seulement 30 milliards, seulement 30 milliards. Cela on les trouve pas, hein. Seulement 30 milliards. Mais dis-moi 6 milliards, dis-moi 6 milliards. Pourquoi 6 milliards s'unis pour marcher dans le noir? Chaque brindille de la nature nourrit les temps modernes. Et la machine avance aux 6 milliards turbo diesel. Sur une terre limitée, économie infinie malgré les cris de la terre. Voilà le pari. 2007, une île a été engloutie. Mais crois-tu vraiment aux 6 milliards de réfugiés climatiques? 6 milliards à bousiller le climat. Si l'eau potable du peuple est maintenant devenue une denrée rare, demande pardon à la terre. Mettez-vous en accord avant que la rage de la nature vous mette tous d'accord. Mais dis-moi 6 milliards, dis-moi 6 milliards, dis-moi, dis-moi, dis-moi, je suis fort, je suis debout, dis-moi, je suis la force, dis-moi, je suis un tout, dis-moi, qu'ils sont fous, que tu ne crois pas au diable, dis-moi 6 milliards d'hommes, pas 6 milliards de cobayes, 6 milliards, 6 milliards, pour eux c'est rien, à leurs yeux ça vaut rien, ils en ont plein, eux, des milliards, détruire le monde avec 6 milliards d'hommes immondes, guidés par le dollar, quand des milliers meurent pour l'espoir. Ben 6 milliards meurent pour leur gloire. 6 milliards, il est temps que tu te lèves. Effrayer les dirigeants, 6 milliards de points vers le ciel. 6 milliards à dire non, 6 milliards de conscients. Car on a 6 milliards de cœurs à l'unisson. 6 milliards prêts à se battre pour ses rêves. Et le jardin d'Éden s'écroule sous le poids de nos rêves. Sous le poids de nos rêves, sous le poids de nos rêves. Sous le poids de nos rêves, sous le poids de nos rêves. 6 milliards prêts à se battre pour ses rêves. Et le jardin d'Éden s'écroule sous le poids de nos rêves. Sous le poids de nos rêves, sous le poids de nos rêves. Mais dis-moi 6 milliards, dis-moi 6 milliards, dis-moi 6 milliards.